Et c'est parti pour débriefer avec Lucie premiers concerts du Metal Fest 09 et de ce samedi 9 novembre. La soirée, elle a commencé avec Mundil Fari. Mundil Fari, c'est un groupe de c'est un groupe de métal symphonique qui a un chanteur qui ajoute une voix, en fait un chanteur qui scream, qui hurle. Déjà on peut dire que sur scène ça il y a un bon équilibre, je trouve, tous les membres sont bien sur scène, bien positionnés, bien ils occupent l'espace, ils sont plutôt assez agréables à voir, ils interagissent bien, tu vois, tout ça. Ouais, ça s'harmonise bien sur l'ensemble, c'est vrai. Et même quand on n'aime pas trop le symfo comme moi, l'avantage c'est que vraiment avec ce chanteur qu'ils appellent le spectre, qui vient couper musicalement juste les parties un peu plus lyriques, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est vrai que ça amène une petite plus-value, on va dire, à la perf. Ouais. Non, vraiment c'était un bon groupe pour se lancer dans la soirée. Plutôt bien cool. D'ailleurs, on diffusera leur petite interview, faire leur petit retour là juste avant, juste après, on verra. Voilà. Après la soirée, elle s'est enchaînée assez rapidement parce que ils ont quand même très très vite changé la batterie et compagnie sur scène pour s'enchaîner avec les Grecs de Misty Roots. Alors les Grecs de Misty Roots, c'est du métal alternatif. Aux forts accents de Metallica. Léger. Voilà. Disons que le chanteur est vraiment un sosie vocal de James Hetfield. Donc forcément, même s'il faisait un tout autre style, on penserait forcément un peu à Metallica. Ça se ressemble un peu dans l'air. Voilà. Niveau sonorité. Mais après, on va pas se mentir. En plus de ça. Ils sont quand même très métal alternatif, ça ressemble beaucoup aux derniers albums de Metallica quand même, ce qu'ils font. Oui, il y a quand même pas mal de ressemblances, c'est vrai, c'est sympa aussi, mais c'est vrai qu'on fait vite l'analogie quand même. Ouais. Après, bon, sinon sur scène, pour un trio, ça envoie bien. Ça envoie bien, ouais. En plus, vu que c'est un guitariste-chanteur, il est forcément obligé d'être statique, donc il peut moins bouger, moins aller chercher et tout, mais globalement... Plutôt très réussi et finalement aussi peut-être un peu ce qu'on attend d'un début de soirée ou qui peut contenter tout le monde, quoi. C'est vrai, c'était un peu moins visuel peut-être que sur les autres groupes, mais je trouve que ça envoyait quand même pas mal de manière générale au niveau harmonie et symbiose sur la scène. Vraiment bien au final, voilà. Moi, j'en attendais pas grand chose, à part voir enfin un concert correct de Metallica. Mais c'était plutôt sympa. Et ensuite, on a eu droit aux Parisiens de Sanctuary. Donc, Sanctuary Black Death. Ouais, ça. Donc là, on est carrément dans ce que tu aimes. J'adore, parce que c'est toute ma cam. Voilà. Non, plus de toi, c'est là que toi, tu commences à un peu décrocher. Mais justement, t'en as pensé quoi pour quelque chose que de base, tu n'aimes pas? Enfin, pas trop, en tout cas. Franchement, en live, ça va. Ça passe, ça reste quelque chose que j'arriverai à écouter. Peut-être pas toutes les chansons, parce que forcément, selon ce qui se fait, je vais plus vite décrocher que d'autres. Mais non, franchement, entre l'intensité, le visuel, la peinture, ça va. Oui, c'est vrai qu'il faut préciser aussi que c'est un groupe qui a un aspect visuel avec le masque peint en blanc. Ça ajoute un truc aussi au visuel. Et, après, dans le black, c'est assez courant, mais c'est plutôt cool. Moi, c'est plus ma cam. J'avoue que je me suis plutôt régalé. C'était plutôt cool. En plus, le risque avec le Black Death, c'est que sur un festival, des fois, le son, tu vois, ressort un peu pourri, tu vois, un peu tout écrasé, t'entends plus rien, c'est de la bouillie. C'est vite fouillis, ouais. Là, j'ai trouvé que quand même, globalement, on n'avait pas eu du tout ce problème-là. Que globalement, t'entendais bien chaque instrument et tout. C'est vrai, en ça. En plus, truc bête, mais... Je trouve que le chanteur va plutôt bien chercher le public, interagit bien avec, et ça, c'est toujours le petit plus. Carrément. Pour l'instant, on peut dire que le pari du Metal Fest cette année de choisir des groupes avec des identités visuelles assez marquées, bah, pour l'instant, il est plutôt réussi. Ouais, c'est pas mal, hein. Oui, carrément. Voilà, et c'est là, vrai, là, on va, en même temps qu'on parle, il y a Tempted qui a démarré, ça s'entend peut-être un peu à l'arrière. Donc là, on va rapidement couper pour aller voir ce que ça donne et pour pouvoir en parler, mais. On revient un peu plus tard pour parler du résultat de ces deux derniers concerts, à savoir Ten Fate qui fait du death et Kylos, les Espagnols, qui eux sont plus sur de l'Indus. Mais là, pour le coup, très visuel, Kylos. Voilà. Ça va être pas mal. Bon. Deuxième jour du Metal Fest 09 à Saverdun. On va enregistrer, donc on est un peu en retard, il faut qu'on enregistre ce qu'on a pensé des deux derniers groupes de la soirée d'hier. À savoir Tent Fate, les Toulousains, et Kylos, les Espagnols. Donc on va commencer de suite avec Tent Fate. Tent Fate qui est du coup pas du tout ta cam pour toi, donc c'est vraiment du def pas mélo, ça envoie grave. Ça tape, ça c'est clair, par contre ça tape. Hein. Ouais. Du coup, Lucie, des petits mots dessus. J'y connais rien moi et c'est pas du tout mon délire. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est tout le temps la même chose. Et en plus, si j'entends pas vraiment le chanteur, j'avoue que j'ai encore du mal à accrocher. Voilà. Mais c'est pas ma cam, c'est pour ça aussi. Ce que tu peux quand même leur accorder, c'est que le public a été ultra réceptif à leur concert. Ça, par contre, c'est vrai. Et que ben, justement, j'en parlais tout à l'heure, le travail de lumière autour de tous les concerts là, cette année est vraiment très réussi. Il y a vraiment des efforts de lumière qui sont très très sympas. On a même vu des lances fumées pour. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, ça fait plaisir qu'il y ait ces petits efforts de. De visuel, un peu de visuel supplémentaire, ouais. Ouais, ça vient c'est vraiment cool. Un peu plus de, je sais pas comment dire, de punch dans le, ouais, carrément. Dans le show. Ouais. Bah, moi, du coup, je vais parler aussi un peu de Tent 8, qui était l'un des groupes que j'attendais le plus parce que je les connais depuis un moment, je voulais les voir, tout ça, tout ça. Déçu ou pas déçu? Ah non, franchement, j'ai été très content. Je comprends tout à fait le côté, à certains moments, effectivement, ça fait un peu écrasé, t'as du mal à discerner certaines choses. Enfin, certains instruments, ouais, tout ça, je comprends que tu aies eu du mal à certains moments. Après, moi, ça m'a pas vraiment dérangé parce que j'en ai vu normal. D'autres des comme ça. Quoi. Non, mais vraiment, Tent 8, j'en attendais beaucoup et j'ai pas été déçu. Ils ont vraiment géré. J'ai passé un très bon concert, en tout cas, de ce que j'ai pu en voir. Voilà. Impeccable. Voilà. Et ensuite, bah, on va passer directement à la tête d'affiche du samedi soir, donc Kylos. Kylos, c'est plus du metal Indus, ouais. Bon, qui au final, moi sur scène, j'ai trouvé qu'ils sonnaient limite plus alternatif qu'Indus. C'est vrai. On perdait un peu cet aspect Indus sur scène. Mais bon, enfin, moi c'est pas ce qui me gêne le plus. Toi, t'as dû partir avant la fin, t'as vu 2-3 morceaux au moins. Ouais, 3 morceaux au moins, et moi j'ai bien aimé, niveau énergie c'est quand même pas mal. Pareil, entre le visuel, ce qu'ils amènent au niveau tenue, ça rajoute un truc, mais en tout cas c'était hyper sympa. Non, bah alors moi du coup j'ai vu tout le concert. Ouais, vraiment, j'avais pas détesté à l'écoute, mais vraiment le passage au live est vraiment top. Vraiment, encore un cran au-dessus. Ouais. Bah, tu vois que c'est vraiment un groupe de scène avant même d'être un groupe qui fait de... avant même d'être un groupe qui crée, quoi. Ouais. Vraiment, c'est génial. Le chanteur a une grosse prestance. Ça fonctionne... ça fonctionne très très bien. Je suis juste dégoûtée de pas avoir vu cette reprise d'abord, hein, finalement. Oui, bah écoute, moi je me doutais bien que ça allait la faire, mais tu sais que le pire c'est que ça marche. Le pire c'est qu'elle marche cette reprise. J'avoue avoir été très étonnée en l'entendant, mais effectivement, si derrière en live ça accroche, c'est pas très étonnant non plus. Non, ça le fait. Ça a bien marché, ils ont vraiment su prendre le public, c'était cool. Vraiment, voilà. Non, une très belle première soirée. Franchement, vraiment un peu de tout comme style. C'est un peu la volonté cette année, en tout cas, du festival, et ça a bien fonctionné. Non, vraiment top. Un peu de tout pour plaire à un peu tout le monde. Ouais, et franchement, j'ai l'impression que tout le monde en a eu 4% d'argent au moins un moment dans la soirée. Donc c'est, moi, je trouve ça positif. Ouais, voilà. Très clairement. C'est pas mal. Bon premier jour. Eh ben écoute, on s'arrête là et on reparlera du deuxième jour plus tard. Et nous voilà enregistrés alors que le Metal Fest vient de se terminer. Donc là, je suis avec Simon qui m'a déjà accompagné dans quelques reports. donc on va parler de cette deuxième journée avec les cinq groupes qui étaient à l'affiche et on va aussi un peu parler de débriefer de ce que le festival a comme nouveauté vu qu'on l'a aussi fait l'an dernier, enfin un peu notre avis général dessus. Bon, on va commencer de suite avec les groupes. Donc c'est Crazy Hammer qui fait du heavy metal qui a démarré la soirée. Chaotic of Temple. Ouais. Du coup, Crazy Hammer, t'en as pensé quoi, toi? Écoute, moi je trouve ça assez classique, mais finalement ça passe plutôt bien, ça s'écoute, c'est sympa. Les mecs étaient motivés, ils voulaient pas s'arrêter d'ailleurs. C'est vrai que leur gars était obligé de les arrêter. leur gars était obligé de les arrêter parce qu'ils dépassaient leur 1 heure de set. Après, non, ça s'écoutait très très bien et finalement pour un premier concert agréablement surpris par rapport à l'année dernière sur la qualité du son proposé. Ouais, ça on y reviendra peut-être au global, mais ouais c'est vrai que le son cette année était nickel. Crazy Hammer, oui, c'est du heavy hyper classique, c'est vraiment comme ils ont pu nous le dire en interview en amont, c'est vraiment un hommage à tout ce qu'ils aiment, donc au Maiden, au Judas Priest, ce genre de groupe, ça s'entend direct, hein, ils sont dans cette lignée-là, et ils s'éclatent. Pour commencer une petite soirée, Pas mal. Ouais, et puis ça, sur scène, ça tient bien la route, c'est cool. Vraiment. Ouais, on est assez d'accord là-dessus. Ça s'est enchaîné avec Attic of Temple, donc eux, ils font, on peut dire du rap metal, c'est de la fusion, ouais. Et eux, ils débarquaient tout droit de Nantes. Donc déjà, ça faisait quelques kilomètres. Ouais, ils ont fait le trajet dans la journée, en plus. Ouais, ils étaient partis tôt. Je les ai trouvés un peu difficiles au démarrage. Et quand ça a commencé par lancer, c'est plutôt ma cam en plus. Donc ouais. Franchement, je suis rentré petit à petit dans le concert avec eux aussi. Et j'ai vraiment apprécié à partir d'un mi-concert et jusqu'à la fin de leur set. C'est hyper énergique. Donc en fait, à partir du moment où on rentre, on se laisse embarquer, ça fonctionne très bien, quoi. Mais eux, ils sautent partout, c'est agréable, je trouve, à suivre. Après, ce qu'ils font, c'est maîtrisé. Il n'y a aucune reproche à leur faire là-dessus, tu vois. Enfin, je trouve, tu vois, les parties un peu rap, ils les rappent très bien. Quand il faut chanter, ils chantent bien, le chanteur. Les musiciens, ils assurent. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Voilà. C'était net. Ouais. Non, après, le seul petit peut-être bémol, c'est que la salle a eu tendance un peu à se vider pendant leur concert, mais certainement parce que les gens n'étaient pas trop tournés vers le style. Parce qu'il y avait plus de monde sur le concert juste avant que sur eux, et ensuite ça s'est rempli ensuite. Ouais, donc, on tombe un petit peu sur l'heure de repas. Ça commence aussi l'heure de repas, ouais. Ça commence à avoir faim, il y avait pas mal de monde dehors, on est d'accord. C'est un peu dommage. Ouais, parce qu'ils méritaient carrément encore plus de public, malgré le fait que le public présent était vraiment à fond, quoi. Ouais. C'est vrai que du coup le public est revenu à la pause après la pause suivante pour Blooming Discord qui a fait clair d'avoir fait plutôt de l'unanimité dans la salle. Ouais, c'est vraiment la grosse presta de la journée. Blooming, c'est du métal alternatif, bien moderne. Enfin voilà, après ils sont pas vieux non plus les Icos, mais oui, c'est du métal alternatif moderne qui tire peut-être même un peu vers du metalcore moderne à certains moments. Ouais, c'est assez la mode en ce moment. Mais c'est efficace, quoi. Ça occupe la scène, ça bouge de partout, ça entraîne le public avec lui. Non, carrément. Franchement, déjà, c'était la grosse pioche du Metal Fest, là, en remplacement de Clésia un peu de dernière minute, parce que ça fait un petit mois même pas qu'on sait qu'ils vont venir. Mais c'est vraiment la belle pioche de dernière minute, parce que tout le monde s'est régalé, ils ont fait sortir le public, ils ont fait... Et d'ailleurs, ils ont vidé l'extérieur vers l'intérieur. Ouais, c'est ça. Ça a attiré tout le monde. Ouais, complètement. Ça... Non, non, vraiment, ils ont un joli avenir devant eux si tout continue à se passer aussi bien, je pense. Ouais. Ouais, c'est... je pense qu'ils vont, je sais pas trop où ils tournent pour l'instant, mais ça, c'est ce qu'on a discuté, on va diffuser leur interview entrecoupée à un moment, mais ils le disent bien, ils ont des dates un peu qui commencent à être un peu partout, donc ça commence à bien marcher. Ouais, ça peut monter vite. Bah de la même façon que l'an dernier, après notre journée de Metal Fest, on avait dit qu'on croyait beaucoup en Odyssée pour arriver petit à petit à arriver plus haut. Si on devait miser sur un groupe qui du coup émerge un peu et continue comme ça, je pense que Blooming Discord serait le groupe de cette édition à avoir ce statut-là. Ouais, surtout, c'est vrai que c'est un style qui est assez public, bien. Qui marche ouais. bien en ce moment. Et les gens qui aiment mieux le rock, ils se penchent vite sur... ce genre de style pour faire la transition vers le métal, c'est... Ah non, ça marche bien. Et puis bon, en plus, voilà, ils ont un bon esprit, ils sont vachement sympas et tout, et ça, bah, c'est... ça aide aussi à ce que tout se passe mieux et tout se passe bien. Ouais, voilà. D'accord. Ah ouais. Ensuite, on est passé sur la partie la violence de la soirée avec Nihilisme. Nihilisme, eux, ils venaient... de Lorraine, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait un sacré déplacement pour eux. Et ils font un Death Old School qui envoie du lourd quand même. C'est peut-être un peu moins dans tes habitudes. C'est beaucoup moins que ma cam, mais c'est vrai que je me suis pas ennuyé du concert. Je me suis entraîné aussi avec eux. Mmh. Et sincèrement... les balances étaient terribles, nickel. Ouais. C'était quand même assez clair, ça faisait pas brouillon comme on peut l'entendre sur certains petits concerts. Ouais, ouais. Ah, donc, non, tu l'écoutes très bien, même si c'est pas trop ta cam. Non, moi pour le coup, c'est plus ma cam, et je te confirme que oui, j'ai bien apprécié le concert. Franchement, les mecs sont à fond. Le chanteur a une sacrée voix, il tient ça vachement bien. Non, vraiment, c'est... Nihilisme, ça faisait partie des groupes que j'attendais le plus de l'édition parce que ma cam musicale, et comme pour Tempt Fate hier, j'ai pas été déçu, même si le reste de notre groupe, qui est un peu moins metal extrême, a eu un petit peu plus de mal. Voilà, après, il faut reconnaître que qu'ils ont bien assuré et c'est cool. En plus, c'est un groupe qui existe déjà depuis un certain temps, mais qui n'a pas forcément des ambitions non plus de faire des tournées françaises encore et encore. Donc on a eu la chance de les voir ici, et c'est pas dit qu'on les revoit de sitôt dans notre région, donc c'était cool de pouvoir les voir comme ça, quoi. Non, et puis même ça complétait un peu la soirée, où il y en avait vraiment pour tous les goûts. Ouais, complètement. Soir, donc il fallait bien un peu de black ou de death pour quand même pour contenter tout le monde. Ouais, mais hier soir on a quand même été servi en black and death, il y avait deux groupes, c'était aussi pas mal, c'était cool. Mais ouais, c'est bien, c'est carrément bien. Et donc on finit sur Darken. Ouais, Darken, ils viennent du Val. Je sais plus. Ils viennent du nord de la France, donc ils ont fait eux aussi pas mal de bornes pour venir. Donc bon, Darken, c'est du métal alternatif, c'est rodé, c'est grave rodé sur scène, tu vois qu'ils ont l'habitude, C'est un groupe qui est jeune, mais avec des musiciens expérimentés, donc ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne plutôt très bien. Parce que t'en as pensé, toi? Moi, je trouvais que ça s'écoutait bien. Là, j'ai un petit peu plus de mal à rentrer dans le concert. Mais après, c'est propre, c'est carré. Peut-être un petit peu plus de balance sur la voix. Oui, ouais, c'est vrai qu'elle était pas trop mise en avant. Plus jeune que les concerts précédents, donc... C'est vrai, c'est vrai. Peut-être aussi un choix de production de groupe, tout simplement. C'est possible aussi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu noter à l'oreille. Mais après, franchement, la soirée elle est passée à une vitesse. Ouais, ouais. Non, mais... ah, non, c'est clair que c'est clair que c'est passé très très vite. Voilà. Non, mais Darken, très bien. On voit aussi pourquoi le Hellfest les a invités l'an dernier. Enfin, c'est un groupe qui sait tenir à un public, qui sait tenir sur une scène correctement. Quoi. C'est cool. Ouais, ça marche. Ouais, ouais. Donc, voilà. Donc là, on a fait le tour un peu de tout ce qui est concert. On va peut-être pas un peu parler de tout ce qui est autour, parce qu'on ne l'a pas du tout fait avec Lucie hier. Donc, on va autant en parler. Donc, au niveau nouveautés sur du festival, déjà, ils sont passés de 8 à 10 groupes. Donc, ça, c'est la première chose, mais ça rallonge un peu les soirées, ça démarre un peu plus tôt, tout ça. C'est plutôt un bon équilibre, 5 groupes comme ça, ça va. Je pense que tu peux le faire, effectivement, comme on discutait tout à l'heure, sur un week-end où tu fais samedi-dimanche avec un jour férié, parce que tu peux, ça t'évite que les gens soient encore en train de travailler le vendredi. Ouais. Ça permet effectivement de gagner 2 groupes dans ta soirée. Ouais, c'est cool. Ça fait une soirée un peu longue, bien remplie. C'est ça. Mais écoute, si la prog est faite comme ça, c'est... Non, ça fonctionne. Tu n'as pas de lassitude à la fin de la soirée. Donc. Non, parce que tu changes à chaque fois de style. Donc en fait, tu changes un peu d'univers à chaque fois. La deuxième grosse nouveauté, c'est le changement de sens de la scène. Et ça va nous amener... déjà l'utilisation de l'espace, la salle fait 10 fois plus grande du coup, parce que avant elle était dans le sens de la large, de la longueur, elle était dans le sens de la longueur, ce qui fait qu'en fait on avait une fosse très étirée, mais pas profonde. Et en fait les gens étaient très clairsemés, ça faisait pas forcément un super effet visuel déjà du public. Et en plus de ça, le son allait rebondir directement contre le mur de la salle et ça avait tendance à ne pas être foufou. Enfin, pour nous, le principal problème, c'était le son qui était le problème. Et, j'en discutais tout à l'heure avec un membre d'Orga. Ils s'étaient rendu compte aussi que le premier jour, ils avaient aussi des gros problèmes de balance. Qu'ils ont rectifié le second jour. Et là, je pense que rajouter à la scène tournée, ils ont ce qu'ils peuvent faire de mieux peut-être dans la structure qu'ils ont aujourd'hui. Ils en obtiennent un son pas mal pour une structure métallique avec un plafond assez bas. Bien sûr. Donc ouais, non, ça te fait gagner une place de fou si tu circules un peu mieux aux abords du bar. Ouais, là, c'est cool. Et du coup, c'est fait un petit peu plus vide, mais tu circules beaucoup mieux. Oui, mais bon, je pense que cette salle, elle demande 4 heures remplies lors des prochaines éditions aussi, tu vois. Mais ça dépendra que de vous. ouais, c'est ça. Mais parce que là, au niveau affluence... Alors, on n'a pas les chiffres exacts, mais ils évaluent, j'ai l'impression, à peu près à 300 personnes par soir, d'après ce que j'ai pu entendre. Donc, on verra si Hervé, qu'on aura peut-être en interview pour conclure, aura des chiffres un peu plus précis à nous donner. Donc, c'est une capacité de 1000 par soir. Alors, forcément, ils ambitionnaient pas de remplir 1000 par soir dès cette année, mais... C'est un peu dommage de voir un festival qui se donne autant les moyens de tout, qui fait pas le plein à ce point-là. Mais bon, tant qu'ils rentrent dans leurs frais et que ça continue à vivre, c'est le plus important. C'est un festival naissant, c'est la deuxième édition. On demande à se faire connaître un petit peu plus. Mais c'est vrai que l'orga est au top. Ils sont des petits oignons pour les artistes. Pour les festivaliers, pour tout le monde. Il y a ce qu'il faut. La nourriture est bonne. Hein. Oui. Ça joue aussi. Voilà, il y a des petits tentes sympas, des merchs, les auteurs, les merchs de tous les artistes. Ouais. Celui des RTH. Le plus important. Non, mais c'est vrai que c'est cool. C'est un festival qui est vraiment sympa et il faut juste espérer que ça continue, tu vois, qu'ils arrivent à rentrer dans leurs frais pour nous proposer une autre édition qui va peut-être attirer encore plus de monde et que ça continue à bien se développer. Mais bon, Ça, on en parlera avec Hervé un peu plus tard. Je pense que c'est lui qui a les clés. Bah, mais... c'est lui qui saura nous dire. Nous, on ne peut faire que des conjonctures. Les conjonctures, ça sert un peu à rien là tout de suite. Ouais. Ouais, le principal, ouais. C'est que les gens qui sont venus, les festivaliers, soient contents. Et globalement, d'après ce qu'on a vu, c'est le cas en plus. Tout à fait. Et après, si, un dernier petit point, gros effort sur le jeu de lumière sur la scène, je trouve. Tous les groupes avaient un super éclairage que le festival a mis à disposition. Et franchement, ça a rajouté un plus visuel. Déjà qu'ils ont essayé de faire une édition avec pas mal de choses, justement, de groupes qui ont des univers un peu visuels particuliers. Et ben, rajouter à ça les éclairages, ben, ça fait un truc complet, c'est cool quoi. J'ai envie de donner un gros coup de cœur sur le design de l'affiche, que je trouve super sympa. Ah, c'est vrai qu'il est beau cet ours. Cet ours avec son marteau. Très très cool. Non, mais ils se sont donné les moyens, c'est cool. C'est cool. Bon, écoute, moi je vois rien à rajouter, je sais pas toi. On a parlé de ça, voilà. Non, après, on n'en a pas forcément parlé, mais oui, tu as raison, il y a des stands d'objets pour les gens qui aiment bien les boucles. Enfin, j'ai vu qu'il y a des boucles d'oreilles, des bagues, des objets un peu plus métal dans l'esprit. Il y avait des tatoueurs, il y avait trois stands de nourriture qui, en tout cas pour ceux qu'on a testés, étaient très très bons. Et puis encore une fois, tous les exposants, ils étaient très sympas. Enfin, vraiment, c'est vraiment l'état d'esprit global de tout cet événement et de tous les groupes que je retiens parce que en fait, on a passé 2 jours à croiser que des gens qui ont le sourire, quoi. Et ça. Ouais, et puis tu vois, je me disais d'ailleurs les artistes qui traversent la foule pour aller voir leur merch et ils sont interpellés par les festivaliers, il n'y a pas de souci, ils discutent 3 secondes. Et ouais, bah ça crée une proximité, voilà. ce genre de salle aussi, où finalement tu es toujours obligé de traverser d'un côté à l'autre pour aller faire ce que tu as à faire. C'est cool. Ouais, c'est un petit festival à taille humaine. C'est ça. Bien sympathique. Complètement d'accord. Eh bien, écoutez, nous, que vous dire de plus à part que il faut venir l'an prochain, s'il y a une édition l'an prochain. En tout cas, nous, on croise les doigts pour qu'elle y soit et que forcément, on y sera de nouveau. Donc, ça se fait, on est là. Voilà. Et normalement, il y aura eu quelques interviews des groupes qui ont été présents, un peu entrecoupés. De ce qu'on a pu raconter pour voir aussi ce que les groupes ont pensé de cette édition. Et, globalement, pour l'instant, des interviews qu'on a fait, ils étaient tous contents. Voilà. C'est le principal. Complètement. Merci Simon. Bonne soirée. À la prochaine. Et on termine les débriefs du Metal Fest 09 avec le patron du festival, Hervé. Hervé, ça va ? Ouais, super. Super festoche, voilà, 2 jours de folie, voilà, vraiment, on peut le dire, avec deux soirées avec des claques, voilà, parce qu'on a des groupes qu'on savait que ça allait être bon, mais qui se sont donnés à 200%, voilà, on peut le dire. Ah oui, clairement. Et voilà, qui nous ont offert un spectacle magnifique, vraiment magnifique. Et de toute façon, on l'a vu avec le public, il était quand même présent et qui, en plus, il a hyper bien réagi. Quoi. Voilà. Complètement, c'est le retour de pas mal de groupes, c'est que vraiment le public a été au top. Ils ont fait aussi pas mal de compliments sur leur gars, mais ça c'est, tu le vois avec eux, mais je pense que tu le sais déjà. Voilà. Voilà. Mais musicalement, vraiment très satisfait de cette édition. Oui. Après, on a tenté un coup parce qu'on a fait venir 2 groupes dont un qui n'a jamais joué en France. Mm-hmm. L'autre, il n'avait pas joué depuis 10 ans et qui n'était pas finalement hyper connu dans le milieu métal. Bah, pas. pas en France en tout cas, non, parce qu'ils ont leur réputation dans leur pays, peut-être dans d'autres pays, mais c'est vrai qu'en France, Kylus, c'est pas forcément arrivé, c'est pas imposé de la même façon. Ouais, et puis des retours publics, voilà, tout le monde a dit que c'était énorme, quoi. Hier soir, ça a été énorme. Ouais. Alors ce soir, on va pas en parler, parce que, enfin si, on va en parler justement. c'est le but. C'est le but, et ça a été aussi énorme, une deuxième soirée sur un thème musical différent. Mm-hmm. Complètement. Ouais. Voilà, une prog différente. Mais des choses aussi merveilleuses, franchement, ouais. Ouais. Mais justement, tu parlais de programmation différente, on en parlait un peu avec certains groupes qui ont été dans un premier temps surpris par le fait qu'il y ait plein de styles qui se mélangent le même jour, tout ça. C'est un truc que vous voulez faire perdurer dans le temps ? Oui, ça va être inscrit dans l'ADN du festival, quoi, vraiment. Ouais. Vraiment. Parce que ça ouvre beaucoup de perspectives pour le public, voilà. Mm-hmm. Et puis, pourquoi se cantonner à un seul métal en fait, alors qu'il y en a une diversité énorme, ouais, énorme. Sûr. Voilà, c'est un peu ça, ouais. Au niveau, là on va parler un peu plus chiffres, tout ça, je sais pas si t'as les chiffres des entrées ou pas encore. Non, c'est pas la principale, l'essentiel ça a été que tout le monde est passé un super moment, quoi. Voilà, c'était surtout ça. Ouais. Chiffres, je pense qu'on va être comme l'année dernière, en fréquentation on va être à peu près sur le même registre, okay. donc on verra, bon j'ai pas fait... Les comptes ne sont pas faits. C'est juste. Non. Après, nous, on est satisfaits surtout de cet engouement qu'il y a eu pour ce festival. Ouais. Vraiment, ouais. Vraiment. Et surtout, les groupes, ça a été énorme cette année. Vraiment. On a eu un ressenti. Ils se sont donnés. Voilà, c'est ça. Ils se sont donnés parce que, bon, d'une part, parce qu'ils nous l'ont dit eux-mêmes, ils ont été super bien accueillis. Donc, forcément, voilà. Ça motive tout le monde. Ça motive tout le monde, forcément. Quand tu manges bien, tu bois bien, forcément, ça aide. Et donc, du coup, ça s'est retranscrit sur la scène. C'est ça qui était important, en fait. Voilà. Ouais. C'est de donner au public quelque chose de grand. Quoi. Voilà. Ouais. Et je pense que cette année, on a fait quelque chose de grand sur la deuxième. C'est une réussite, ouais, vraiment. Je suis d'accord. Du coup, tu l'as déjà évoqué à demi-mot. Vous partez sur une troisième année ? On part sur une troisième année, bien sûr. Ouais. Ouais, okay. Ouais. Non, mais c'est... Qui va être aussi... J'ai déjà des choses dans les qui sont pas encore dans les clous, mais bon voilà, des projets de groupe. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal étant donné que ça fait même pas une heure que les guitares se sont. C'est ça. Non, mais après on a bouclé, on va essayer de boucler l'affiche pour janvier, je pense, voilà. Ouais, cette année, ouais. Oui. Ça y est, c'est passé. Ouais, c'est déjà passé. Donc, ouais, comme cette année, ouais, commencer un peu la pub pour le festival en début d'année. Et voilà. Et puis bon, nous, voilà, une fois que là, on a passé celui-là, justement, on va commencer à écouter d'autres groupes pour 2025. Et voilà, du coup, une fois que c'est lancé, que l'affiche est lancée, waouh. Ouais. C'est parti, quoi. C'est parti. Bien sûr. Voilà. Tu m'as dit l'essentiel. voilà. Un grand merci à toi de nous avoir donné la chance d'être partenaire de l'édition cette année. On a eu l'opportunité aussi, grâce à ça, de mieux connaître les groupes, de discuter avec eux. Et du coup, pour nous, c'était encore plus sympa parce que ça a été un peu la grande retrouvaille. On retrouve tous les bénévoles, tout ça. On retrouve les groupes avec qui on a déjà discuté. Donc vraiment, pour nous, ça a été deux jours qui ont été géniaux de partage. Même au-delà de la musique, c'était vraiment l'humain avant tout. Ouais, complètement. Merci à toi. Merci Nico. Et franchement. Ouais, ça va. On va repartir sur 2025 avec de nouveaux trucs et ça va être cool. C'est pour réfléchir à quelques trucs. Ouais. Merci. Bon, en tout cas, merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Ah ouais, grave. Salut. Ciao.